J'entends ton cœur. J'essuie les yeux de Nathalie avec un Kleenex. Elle a vraiment ri aux larmes. Tu voulais donc me parler du jour où tes parents avaient organisé une petite fête pour ta prépa. Elle passe ses bras autour de mon cou et m'embrasse si tendrement que je ne verrai aucun inconvénient à remettre ce récit. Elle s'en rend compte et va prudemment en retraite. D'un geste gracieux qui m'offre ses seins, elle noue ses cheveux en torsade sur sa nuque et commence le récit de ce jour mémorable. Oui, c'était au domaine de la Napa vers les 10 heures du matin. Tout le personnel s'affairait dans la maison et sur la pelouse. Le traiteur et ses employés dressaient les tables et les tentes. Moi, je m'apprêtais à prendre une douche. Donc, nu comme un ver, j'entre dans la douche et là, je vois un énorme serpent. Enfin, il m'a paru énorme à cet instant, levé sur le carrelage, tranquillement en train de digérer la grenouille qu'il venait d'avaler. J'ai poussé un hurlement et je suis sorti en courant sur la terrasse puis sur la pelouse en hurlant de plus belle jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais toute nue au milieu d'une vingtaine de personnes complètement sidérées. C'est ma meilleure amie qui arrivait juste à ce moment-là pour donner un coup de main qui m'a sorti de ce mauvais pas en me recouvrant d'une nappe. L'horrible serpent s'est avéré n'être qu'une inoffensive couleuvre que le jardinier a remise au fond du jardin où elle est allée tranquillement achever sa digestion dans un buisson. Enveloppé dans ma nappe, mes parents n'arrivaient pas à me calmer et je refusais obstinément de retourner dans ma chambre. C'est Betty, mon amie, qui à force de mots gentils a réussi à me raccompagner, mais j'ai exigé qu'elle reste là tant que je prenais ma douche. Elle m'a aidé à m'habiller et j'ai quand même réussi à me calmer grâce à ses câlins et à ses bisous. La journée puis la soirée terminée, j'ai demandé à Betty si elle voulait bien rester dormir avec moi. Ses parents ayant accepté, tout le monde a pris congé et nous sommes partis nous coucher. Après avoir pris notre douche ensemble et ri comme des petites folles, je lui ai prêté un t-shirt et nous sommes partis sous les draps. On a éteint la lumière et là, je me suis blotti contre elle. Ce n'était pas la première fois que nous dormions ensemble tant chez moi que chez elle, mais c'est la toute première fois que j'étais troublé. Le contact de ses jambes nues contre les miennes me donnait des frissons. Elle a sans doute éprouvé la même chose que moi, car elle a commencé à m'embrasser et je lui ai rendu ses baisers. De baisers en caresses, on s'est vite retrouvé nu, et je dois dire que ça a été une très belle nuit d'amour. J'en garde un souvenir ému et attendri d'autant que nous n'avons jamais recommencé, nous orientant résolument vers les garçons. Elle était demoiselle d'honneur à mon mariage et 6 mois plus tard, j'étais témoin au sien. On est resté en contact et on s'appelle de temps en temps. Elle est très heureuse en ménage et a eu 2 magnifiques petites filles. Mais comment suis-je venu à te raconter une histoire si intime? Je lui réponds. Sans doute parce que tu as confiance en moi. Mais je dois t'avouer que c'est la première fois que je vois une personne aussi spontanée pour ce qui est de parler de son intimité. C'est la même chose quand tu fais l'amour. Tu abandonnes toute pudeur avec un naturel qui rend chacun de tes mots, chacun de tes gestes aussi beau qu'un tableau de Fragonard. Oh! Quand je parlais de la galanterie française, j'étais encore loin de la réalité. Tu es si belle, Nat, que ce soit lorsque tu marches dans la rue ou en plein orgasme. Mon Dieu, John, arrête! Je ne sais plus où me mettre. Je crois que s'il y avait un trou de souris dans cette chambre, j'irais m'y cacher. Et je t'y poursuivrais, et l'on ferait plein de petits sourisseaux. Je la chatouille au creux des côtes et elle rit comme une enfant. Nos chatouilles tournent vite aux caresses de plus en plus tendres et c'est elle qui, devant l'état de tension extrême dans lequel je me trouve, rompt les fusions avant que la situation ne devienne incontrôlable. Elle s'enveloppe chastement dans le drap, ne laissant voir que ses épaules. Je crois que pour les câlins, il vaut mieux attendre un peu. Sinon après, nous serions capables de nous endormir et de ne pas nous réveiller avant demain matin. Elle reprend le récit de son enfance. Les racines de sa famille se situent donc en Irlande, dans un petit village près de Galway. Son trisaïeul émigre aux États-Unis et s'installe à Boston avec femme et enfants. La famille fait souche à Boston et son père est le premier à quitter cette ville. Lorsque fraîchement diplômé du MIT, il est recruté par ce qui va devenir la NASA et vient s'installer à Houston au Texas. C'est là qu'il fait la connaissance d'une charmante jeune femme d'origine irlandaise comme lui. Elle est violoniste et fait partie de l'orchestre philharmonique du Texas. Il ne va plus rater aucun de ses concerts et il se marie 8 mois plus tard. Nathalie naît un 18 juin vers midi, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, dans un tout petit pays d'Afrique du Nord inondé de soleil, un petit garçon de 7 ans court dans la rue tout heureux de rentrer de l'école avec des bons points. Ils ignorent que 34 ans plus tard, ils vont se retrouver dans les bras l'un de l'autre grâce à l'annonce d'un magazine oublié dans un tiroir. À ce stade de son récit, Nathalie paraît très émue. Elle noue ses bras autour de mon cou et se serre très fort contre moi, oubliant le drap qui glisse, dévoilant ses seins magnifiques et ses hanches de déesse. Et c'est encore un long baiser d'amour où chacun embrasse et caresse le cœur de l'autre de toute son âme. Elle se détache la première et pousse un long soupir. Je suis tellement heureuse que j'ai l'impression de voler, comme si je ne pesais plus rien. Elle poursuit en me parlant de son enfance au Texas et de son adolescence à Melbourne près de Miami. Il semble qu'elle ait hérité du don de son père pour les mathématiques et de celui de sa mère pour la musique. Dès l'âge de 6 ans, elle joue du piano et de la guitare et de plus entame des cours de danse classique. À l'école primaire, elle est une bonne élève, mais sans plus, car elle dissimule volontairement ses dons pour être comme tout le monde et ne pas être marginalisée par ses camarades. À la demande de sa mère, avec laquelle elle est très proche, malgré ses fréquents dépassements, elle commence l'étude du français en cours particulier dès le collège et finit par comprendre que se noyer dans la masse n'est pas une solution. Dès l'entrée au lycée, elle lâche les chevaux et ne décroche plus de la première place en accumulant parallèlement les succès en musique et en danse. Elle saute de classe et décroche avec mention très bien l'équivalent américain du bac à l'âge de 16 ans, puis entre au Rochester Institute of Technology après une prépa d'un an à Miami. 4 ans plus tard, soit 21 ans, elle obtient son diplôme bachelor en sciences et entame son 2e cycle d'études supérieures. Il ne lui faut qu'un an pour décrocher son master's degree en astrophysique et brûlant les étapes 2 ans pour chacun de ses doctorats. C'est pendant sa dernière année d'études qu'elle fait la connaissance de celui qui devient son mari 1 an plus tard et le père de Peter 9 mois après. Elle ne voulait pas de cette grossesse tout de suite, estimant qu'il fallait que son couple soit soudé par au moins 1 année de mariage. Il semble que son mari ait trouvé un stratagème pour la mettre enceinte en perçant les préservatifs dont elle exigeait l'utilisation. Une manière de mieux la contrôler, car il ne voulait pas qu'elle travaille, estimant qu'il gagnait suffisamment d'argent pour lui offrir un train de vie luxueux. Il avait changé du tout au tout après leur mariage, dévoilant sa vraie personnalité, celle du pervers narcissique jouissant des humiliations qu'il lui infligeait. Lorsqu'après la naissance de Peter, le handicap de l'enfant avait été diagnostiqué, il avait reproché d'en être responsable en ayant rejeté cette grossesse. Leur vie conjugale avait vite tourné au cauchemar et elle ne comptait plus le nombre de fois où il était entré ivre à la maison, sentant le parfum bon marché de la prostituée qu'il venait de sauter. Il aurait pu tout faire sauf s'en prendre à Peter. La lionne, protégeant son petit, s'était réveillée. Après plusieurs constats d'huissier, recueil de témoignages, elle avait demandé et obtenu très vite une ordonnance d'éloignement puis le divorce dans l'année. Il n'avait pas fait d'histoire, surpris du fait qu'elle se contente d'une pension alimentaire confortable pour Peter. C'est à cette occasion qu'il avait découvert qu'elle était en fait plus riche que lui en tant qu'héritière d'un domaine viticole estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Le mariage en séparation de biens ne lui ayant paru qu'une occasion de mettre sa propre fortune à l'abri des convoitises d'une femme qu'il ne voyait que comme une scientifique désargentée. À l'occasion du divorce et des enquêtes de ses avocats, Nathalie avait vite découvert qu'il ne l'avait en fait séduite et épousée que pour accrocher son titre de docteur en astrophysique à leur carte de visite. Il avait commencé à la tromper dès qu'il l'avait su enceinte. À l'évocation de ces mauvais souvenirs, le visage de Nathalie s'est durci et une ombre passe dans ses yeux. C'est un visage que je ne lui connaissais pas. Non celui de la rancune, mais le visage de quelqu'un qui ferme son cœur pour ne pas souffrir. Je lui prends la main et embrasse ses doigts un à un avec toute la tendresse et la compassion que je ressens. Je la sens se détendre et vois le sourire revenir sur son visage. Je l'embrasse, la lumière revient dans ses yeux. Une chose cependant me préoccupe, elle s'en rend compte tout de suite. « Qu'est-il, John ? À quoi penses-tu ? » ?»« Oh, rien de particulier. John ! » N'oublie pas que les filles irlandaises lisent dans les pensées, et là je sens que quelque chose te tracasse. Je vois bien qu'il est inutile de financer. C'est tout simple, mis à part la différence de niveau d'études dont nous avons déjà parlé, il me semble qu'il y a un écart notable entre ma situation sociale et la tienne, et il y manifeste que je ne pourrais pas suivre sur le plan financier. Alors là, elle se fâche vraiment. Elle s'assied d'un bond dans le lit, me prend les deux mains et les serre si fort que j'en ai presque mal. Elle me fixe droit dans les yeux, sourcils froncés. John, de tout ce que je possède, je n'ai pas gagné un seul dollar. J'en ai hérité, et les revenus que j'en tire sont le fruit du travail d'une centaine d'employés, et en particulier de Maître Thomas, mon régisseur, sans qui rien ne fonctionnerait. L'appartement de l'avenue Fauche et la maison que je possède en Irlande représentent les économies de mes parents. Quant à moi, tu ne sais rien de mon train de vie, qui est bien plus simple que tu ne penses. Avec tous mes diplômes, je ne gagne pas la moitié de ce que tu gagnes, et si ta société te verse ce salaire, c'est que tu le vaux largement. Alors je t'en prie, qu'il ne soit plus jamais question d'argent entre nous. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a pour faire plaisir à l'autre. Je me fais tout petit et presque à voix basse. Ça, c'est ce qu'on appelle se faire remonter les bretelles, et comme je suis tout nu, je les ai sentis claquer. J'apprendrai avec le temps que Nathalie visualise immédiatement les images évoquées. Elle essaie de garder un visage sévère, mais ne parvient même pas à garder son sérieux. La seconde d'après, elle éclate de rire. Entre deux accès d'hilarité, elle m'explique. Le problème avec moi, c'est que je ne peux m'empêcher de visualiser les situations. Je viens de t'imaginer tout nu avec des bretelles. Elle a de nouveau les larmes aux yeux. C'est vraiment trop drôle. Je ne garde pas mon sérieux bien longtemps et nous nous retrouvons dans les bras l'un de l'autre à nous embrasser les yeux pour essuyer nos larmes. Je reprends le contrôle et lui demande. Une dernière question et après c'est promis, on ne parle plus jamais de ça. Comment peux-tu savoir quel est mon salaire? Elle rit toujours mais me répond. Ce n'est pas très compliqué. Quand on occupe la position que tu as dans l'organigramme d'une société comme la tienne, il est vraiment très facile d'évaluer ton salaire. Entre 35 000 et 40 000 francs par mois, soit exactement le double du mien. Puis ses yeux deviennent ceux d'un chat, elle passe la main sur son sexe. John, chez la plupart des femmes, la colère et le rire sont deux puissants aphrodisiaques. Il n'y a donc qu'une seule façon de te faire pardonner. Parce que tu étais en colère? Non. Peiné, mais chez moi ça revient au même. Embrasse-moi. Non, pas là, ici. D'un doigt impérieux, elle désigne le petit grain de beauté juste à la lisière de son duvet. Comme les autres fois, c'est le même bonheur, la même douceur qui nous enveloppe, portée par une vague d'excitation qui enfle de minute en minute. Tour à tour, le visage de Nathalie irradie une joie immense et se crispe jusqu'à prendre l'apparence de la douleur lorsque le plaisir atteint son apogée, puis le cycle recommence encore et encore. Elle est assise sur moi, les genoux de chaque côté de mes hanches, et cela fait déjà trois fois qu'elle change d'allure. Là, son rythme s'apaise, elle s'allonge sur ma poitrine et reprenant son souffle, murmure à mon oreille. « Tu m'avais promis une visite particulière. » Avec toute la tendresse et la délicatesse possible, je lui explique qu'elle doit être préparée. Je lui promets qu'à notre prochaine rencontre, nous commençons par là, mais qu'aujourd'hui, je peux déjà envoyer un éclaireur. Mes mains sont posées sur ses reins et accompagnent son rythme et je n'ai qu'à doucement les laisser glisser. La sensation lui fait ouvrir grand la bouche et les yeux. Elle ralentit sa chevauchée jusqu'à s'immobiliser puis se déchaîne, ne se rendant même plus compte de ce qu'elle fait et surtout de ce qu'elle dit, mélangeant anglais, français et gaélique. Le peu que j'en comprends décuple mon taux de testostérone. Je la rejoins dans sa folie. Son cri s'achève en un râle. Ses yeux chavirent. Elle vacille de droite à gauche comme une poupée de chiffon. Un instant, je crois qu'elle perd connaissance. Elle ferme les yeux puis les ouvre. Mais c'est comme si elle ne me voyait pas. Elle plane dans un état second et très lentement reprend pied dans cette réalité. Alors, comme un soleil qui se lève, son magnifique sourire illumine son visage. Elle me regarde enfin et d'une voix toute tremblante. C'était le paradis. Le Seigneur nous a pris dans ses bras. Mon Dieu John, c'était si beau. Elle se laisse aller, écrasant ses seins sur ma poitrine. Je sens son cœur qui bat en briser les côtes. Très doucement, lentement, elle se dégage et bascule le long de mon flanc. Son sourire me ramène à la vie et ses yeux brillent d'émotion. D'une petite voix timide, elle me demande « Comment pouvons-nous encore jouir comme ça? C'est un miracle !» Du bout des doigts, je caresse sa joue. Peut-être sommes-nous les enfants du miracle, mais nous sommes sûrement les amants de la lune. Tout comme elle est la maîtresse des océans, elle est devenue la maîtresse de nos corps et de nos désirs. Nous allons passer les heures qui suivent à bavarder sur un millier de sujets, mais nos conversations tournent essentiellement autour de nos vies respectives. De longues pauses, bisous et caresses, d'une douceur et d'une tendresse telle que j'ai l'impression que mon cœur est si gros que ma poitrine ne pourra bientôt plus le contenir. Nous restons aussi de longues minutes à simplement nous regarder, les yeux perdus dans ceux de l'autre. Mon Dieu, quel bonheur d'être simplement là, nul l'un contre l'autre, à se caresser le visage et les cheveux. Je ne peux cependant m'empêcher de laisser mon esprit dériver sur le moment où il faudra nous séparer sans savoir quand nous nous reverrons. Nathalie remarque mon air préoccupé. Elle me demande « Qu'y a-t-il ? Un souci ?»« Non, je pensais simplement que j'avais une mission sur le Cameroun dans 15 jours. » Elle me tapote le bout du nez avec son doigt. Voilà qui est précis et qui va nous permettre de faire des projets. Peut-on en discuter maintenant ? Les yeux grands ouverts, l'air attentif, elle s'appuie sur un coude. Je t'écoute. Je lui explique mon idée. La semaine prochaine, je ne pourrai que t'accorder mes pauses déjeuner. On pourrait se retrouver chaque fois que possible dans une petite brasserie pas loin de la station Palais-Royal. Les fontaines du Louvre, tu connais ? Non. Ce n'est pas compliqué, c'est juste en face de la sortie du métro. On ne pourra décider qu'en fonction de nos emplois du temps respectifs et le jour même. La semaine suivante, celle avant mon départ, je pense prétexter un départ anticipé et reprendre une chambre à l'hôtel à côté de mon bureau, ce qui nous permettrait de nous voir un peu plus souvent. Nathalie fronce les sourcils, puis son visage s'éclaire. D'accord pour la semaine prochaine, pour se voir au déjeuner, mais je crois que pour la semaine suivante, j'ai une meilleure idée que la chambre d'hôtel. Je la regarde, attentif. Hein ? Je suis sûr que ça va être génial. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi. D'attentif, je passe en mode interloqué, ce qui, vu son sourire, semble beaucoup amusé, Nathalie. Comme je te l'ai déjà expliqué, tu sais qu'il y a un autre homme dans mon cœur et j'ai besoin de son accord pour finaliser mon idée. Là, c'est carrément le mot de panique, je bégaye. Un autre homme dans ton cœur. Tu m'en as déjà parlé ? Nathalie, se rendant compte de l'effet que sa plaisanterie a eu sur moi, me prend le visage entre ses mains et m'embrasse tendrement, puis me fait plein de petits bisous sur le bout du nez. C'est à son tour de bégayer. Pardon, John. Je ne voulais pas, excuse-moi. C'est de Peter dont je voulais parler. Parce qu'en fait, ce que je souhaiterais, c'est que tu puisses venir à la maison. Mais je dois d'abord en parler à Peter. Mon cœur, sur le point de se décrocher, reprend sa place dans ma poitrine. L'expression de mon visage doit trahir l'intensité du choc que je viens de subir. Je récupère cependant pour dire à Nathalie « Venir chez toi pour une semaine. Oui, c'est normal que Peter soit d'accord. Que vas-tu lui dire ?» À mon élocution hésitante, Nathalie voit bien que l'émotion due à sa petite plaisanterie n'est pas tout à fait dissipée. Je lui dirai qu'un très bon ami de passage à Paris doit descendre à l'hôtel et que je souhaiterais l'inviter à la maison à la condition qu'il en soit d'accord. Il n'y aura donc aucun mensonge dans ma demande et je pourrai te donner la réponse sous 48 heures. Elle me regarde, l'air contrit. Je suis sincèrement désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris de formuler ma proposition de cette façon. Si un gars me faisait ce genre de plaisanterie, il mériterait une bonne fessée. J'ai envie de le taquiner pour détendre l'atmosphère. Je crois que tu en mériterais bien une aussi. Je ne m'attendais pas du tout à sa réponse. Je suis bien d'accord avec toi. Joignant le geste à la parole, elle repousse le drap, découvre ses adorables rondeurs, puis se tourne vers moi et d'une petite voix suppliante. Pas trop fort quand même. Je me penche vers elle. Tu aimes les fessées ? J'ai rarement vu un regard aussi coquin. Oui, beaucoup, à condition que ce soit tendre. Elle pose son index sur ses lèvres. Mais chut, je ne voudrais pas que ça se sache. Un regard, quelques mots, ses reins cambrés, ses fesses relevées. La diablesse a de nouveau réussi à m'exciter, un tendre bisou en même temps que d'une petite tape sèche. Elle sursaute et se cambre encore davantage, comme pour réclamer la suivante. Son visage a pris le masque du désir. Elle me regarde les yeux mi-clos. Encore, je suis une vilaine fille. Ce jeu amoureux me fait vite oublier l'émotion de tout à l'heure, d'autant que Nathalie gémit doucement, attendant la tape suivante, avec une appréhension mêlée d'envie. Je claque de nouveau les douces rondeurs au point qu'elle tressaute. Nathalie pousse un petit « aïe » suivi d'un improbable « encore ». Pour mieux s'offrir à la punition, elle se met à genoux et me tend ses fesses déjà rosies des deux tapes précédentes. J'y applique de petites claques rapides et légères et les fais suivre de deux baisers très tendres. Nathalie gémit « My God, don't stop !» Je la butine de petits bisous suivis de pigeonnettes appliquées du bout des doigts jusqu'à ce que son gémissement se change en allaitement. Sa voix tremble quand elle me demande de la prendre. La demi-heure qui suit n'est que pure tendresse. nous sommes si intimement liés par nos corps et nos cœurs que nul ne pourra parvenir à nous désunir. Ses yeux sont des lacs dans lesquels je plonge jusqu'au fond de son âme. Elle est en moi tout autant que je suis en elle. Plus tard, enroulée dans le drap, gisant sur la moquette, épuisée et disloquée, nous commençons à reprendre conscience du monde réel. Ni l'un ni l'autre ne pourrait dire quand et comment nous sommes tombés du lit. Avec une lenteur de paralytique, je parviens à me hisser sur le lit et puise mes dernières forces à aider Nathalie à me rejoindre. Lorsqu'elle s'écroule près de moi, dans un sourire d'agonisante, elle me dit « Tant pis pour les draps. » La gravité vient de passer à 7G. Je ne peux même plus lever la main, encore moins aller à la salle de bain. Je ne sais même pas l'heure qu'il était quand nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Mais lorsque j'ouvre les yeux, la nuit est déjà tombée, ce qui paraît normal en hiver à 18h. Nathalie dort encore, et dans le clair-obscur qui baigne la chambre, elle est si belle que l'émotion me noue la gorge. Je voulais attendre à la dernière minute avant de la réveiller, mais au premier mouvement que j'esquisse, elle sursaute et s'accroche à moi comme un noyé à sa bouée. Il y a de la peur dans son regard, elle balbutie. Oh mon Dieu! J'ai encore fait cet horrible rêve avec cette voix qui me disait qu'il fallait que nous nous préparions à une longue séparation. D'un rêve à l'autre, c'est toujours la même phrase qui se répète. Elle tremble et se serre très fort contre moi. Je la berce, caresse ses cheveux et murmure à son oreille. « Nathalie, je t'aime. J'ai l'impression de t'aimer depuis la nuit des temps, alors que je ne soupçonne même pas ton existence il y a encore une semaine. Je n'envisage déjà plus la vie sans toi. C'est comme si le Dieu auquel tu crois si fort nous avait pris dans sa main. Et bien que je sois un homme qui doute, je ne doute pas de cela. « Tu ne sépareras point ce que Dieu a uni, » dit la Bible. Les hommes l'ont interprété comme s'il s'était agi du mariage. Je suis certain, quant à moi, que Dieu pense à ceux qui s'aiment très fort, et non à ceux qui n'est rien d'autre qu'un contrat de vie commune, dont l'amour, le véritable amour, est bien trop souvent absent. Nathalie me fait plein de bisous dans le cou, sur la joue et sur la poitrine. Elle me parle doucement à l'oreille. « C'est si bon. Ta voix est comme une caresse. » Un petit sourire plein de tendresse. Et même si mon rêve devait se réaliser, nous avons la certitude de nous retrouver un jour, et notre amour n'en sera que plus fort. Elle s'interrompt, semble seulement prendre conscience que la nuit est tombée. Elle se redresse d'un coup et s'assied. Mon Dieu, mais il fait nuit. Je la rassure. Il est à peine plus de 18h. Nous avons tout le temps de prendre une douche, de nous habiller tranquillement et de manger quelque chose avant de partir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, juste un thé, une viennoiserie et un fruit. Parfait. Je n'ai pas très faim non plus. Une douche et un service d'étage plus tard, j'appelle la réception pour faire enlever nos bagages. Nathalie vient vers moi de sa démarche si particulière. Elle passe ses bras autour de mon cou et pose sa joue sur mon épaule. J'entends ton cœur. Les bras autour de sa taille, je la serre tendrement. Nous restons sans dire un mot, savourant simplement le bonheur d'être l'un contre l'autre. C'est le bagagiste qui interrompt ce moment de tendresse. Le temps de régler la note, charger nos valises et nous voilà en route vers Paris. Pendant les premiers kilomètres, personne ne parle. J'ai le cœur serré de devoir quitter Nathalie. Je voudrais avoir une baguette magique et faire que nous rentrions chez nous après un week-end non amoureux. Elle se tourne vers moi. À la faible lueur du tableau de bord, je vois bien que ses yeux sont humides. Elle a l'air si triste. Elle pose une main sur ma jambe, son bras sur mes épaules et laisse aller sa tête contre moi. Le parfum de ses cheveux, celui de son corps, monte vers moi, et pour la première fois, depuis que j'ai le bonheur de les respirer, la tristesse me poigne le cœur. Nous allons devoir nous quitter dans un peu moins d'une heure. Sans relever la tête de mon épaule, elle murmure. Je suis content de retrouver Peter, mais j'aurais tant voulu dormir dans tes bras ce soir. Je sens sa main remonter le long de ma nuque. C'est si doux que j'en ai presque un vertige. Je lui demande, à quoi penses-tu? À tout à l'heure, quand je te dirai au revoir dans le hall de l'immeuble, mais surtout à mardi, quand nous déjeunerons ensemble, et encore plus à la semaine suivante, quand nous déjeunerons, dînerons et dormirons ensemble. Je pense à tes baisers, à tes mains sur moi, et à ton cœur qui bat si fort lorsque tu me fais l'amour. Je pense que je t'aime et à l'envie que j'ai de tes bras chaque fois que je te regarde ou que je pense à toi. Je pense que j'ai peur de t'aimer si fort, mais je pense que s'il ne me restait plus qu'une heure à passer avec toi, j'en remercierais le Seigneur. J'ai sans doute trop ralenti, une voiture nous double, nous gratifiant au passage d'un coup de klaxon rageur. Un parking sur le bas-côté, je me range. Nat, Chaque fois que tu me parles, c'est une déclaration d'amour encore plus vibrante que la précédente. Je ne veux pas que tu sois malheureuse de trop m'aimer et... » Elle m'interrompt. « D'abord, on ne peut pas trop aimer. On n'aime jamais assez. Ensuite, je ne suis pas malheureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Mais ça m'est tombé dessus en quelques secondes. Il me faut juste un peu de temps pour que mon cerveau intègre toutes les nouvelles données. Mon cœur, c'est déjà fait. » Son sourire, le baiser qu'elle me donne, sont comme un soleil. Elle se détache doucement de mes lèvres. Il faudrait repartir. Je ne voudrais pas trop faire attendre Béatrice. Tu veux l'appeler? Je peux m'arrêter à une cabine. J'ai vu un panneau. Il y en a une un peu plus loin. Non, ça ira, je vais téléphoner avant de partir. Je redémarre. Nous sommes déjà à moins de 20 minutes de la porte d'Auteuil. Je repense à notre cours d'hier au matin en forêt. As-tu déjà dormi à la belle étoile? Dans la pâle lueur du tableau de bord, je devine ses sourcils froncés. À la belle étoile, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire dormir dehors sans autre abri que le ciel. L'expression est très jolie. Je ne connaissais pas. Et la réponse est non. En juin, il faudra que je t'amène un week-end. Je connais un lac dans une région de magnifiques collines avec une grande forêt. Il y a plein de plages dans de petites criques boisées où il ne vient quasiment jamais personne. Un vrai paradis où nous pourrions jouer les Robinson. Nathalie réfléchit un instant. Sa main est toujours sur ma jambe et j'en sens la chaleur au travers de mes vêtements. C'est d'accord, mais à une condition. Ah, et quelle est cette condition? J'ai déjà demandé une semaine de congé mi-février. C'était début décembre et j'ignorais que j'allais tomber amoureuse un mois plus tard. C'est les vacances scolaires et Peter part pour 2 semaines chez sa grand-mère à New York. Moi, je me contente d'une dizaine de jours en célibataire à Miami. La condition, c'est que tu m'accompagnes. Si c'est possible, bien sûr. Je suis pris au dépourvu et mon désarroi doit se lire sur mon visage. La main de Nathalie se crispe sur ma cuisse. Tu ne pourras pas? Je ne sais pas. Ça ne devrait pas être impossible. J'ai une réunion demain avec le président et j'en profiterai pour lui en parler. La boîte exige de nous une totale disponibilité, mais en contrepartie, il ne s'en garde ni sur les primes de fin d'année ni sur les congés. L'année dernière, par exemple, j'ai dû passer un mois et demi au Cameroun sans rentrer alors que ce n'était pas prévu. C'est intéressant pour les primes, mais pas pour la vie privée. Et pour ta famille, tu es très souvent absent, peut-être que... Aucun souci de ce côté-là. Nous avons passé 15 jours en Bretagne en décembre chez mes beaux-parents. Je me suis rarement aussi ennuyé, et j'ai fait plus que ma Béa. Pardon, je t'ai peut-être choqué. Non, non, pas du tout. C'est justement pour ce mélange de tendresse et de dureté que j'ai craqué à l'instant où j'ai vu tes yeux. Mais la première fois où le feu avait apparu, c'était juste avant de me faire dévorer toute crue. Et j'aimerais le revoir bientôt. Sa main est posée sur ma cuisse. D'une brève caresse, il vérifie l'effet de ses paroles. Pour Miami, j'ai déjà la moitié de ma réponse. Reste à attendre l'autre moitié, celle de ton boss. J'ai beau tricher et ralentir. 10 minutes plus tard, je me garde devant la grille de son immeuble. Le sourire de Nathalie s'est changé en une moue de tristesse. Elle se jette dans mes bras et m'embrasse. Son baiser est si tendre que je me sens fondre. Ses lèvres ont un petit goût salé. Elle se détache doucement et écarte une larme de l'index. « My love, I miss you already. » Tu me manques déjà. Tu vas aussi me manquer, tellement. Comme un petit soldat qui va à la bataille, elle prend une profonde inspiration et met la main sur la poignée de la portière. « Bien, allons-y. » Je la précède au coffre, d'où j'extrais sa valise, et nous nous engageons dans l'allée sans échanger un mot. Elle est lourde à mon bras. Devant l'ascenseur, je pose la valise. Elle vient se blottir contre moi. Je l'enlace, elle m'embrasse. C'est un baiser chagrin. « See you soon, Ben. See you soon, Ben. » Puis juste avant que la porte de l'ascenseur ne se referme, en même temps qu'elle m'envoie un baiser. « Don't forget Miami. »